Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 88. Merci Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. En cette période de réjouissance, Construction Proco, qui se spécialise dans la charpente, structure de pont et revêtement, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Notre entreprise est très fière d'être impliquée dans la construction du nouveau pont dans notre secteur et remercie la population pour sa patience pendant les travaux. Construction Proco, une entreprise de notre région. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 88-276-80. On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec notre ami Gilles Péloquin. Quand on s'est laissé avant la période des fêtes, on était un petit peu dans l'incertitude parce que, évidemment, le dossier Richard Martel qui a décidé de s'en aller du côté du Parti conservateur pour la prochaine élection qui n'est pas toujours pas déclenchée. Et on s'est laissé avec quelque chose de fort intéressant qu'on n'a pas développé, mais on va le développer avec notre collaborateur Gilles Péloquin. Salut Gilles! Hey, bonjour, bonne année 2020. Bonne année Gilles, passez un beau temps des fêtes. Tout va suivre. Oui, pas... très bon avec la Ligue nord-américaine en particulier. Et également le reste s'est bien déroulé en famille et tout ça. Donc ça a été plaisant et les batteries rechargées pour la prochaine année. Bon, hey Gilles, on s'est laissé avant les fêtes puis tu me laissais sur mon appétit. Et c'est, je sais pas si c'est en onde ou en dehors des ondes que tu me le dis, mais Richard Martel avait un projet sur la table, ça c'est de notoriété publique, là. Il avait commencé à établir des contacts avec des équipes de la Ligue Magnus pour un match des étoiles qui a reposé les meilleurs éléments de la Ligue nord-américaine à deux équipes de France, Grenoble et une autre. Est-ce que ça va voir le jour peut-être? Ben écoute, oui, c'est de notoriété d'en parler maintenant parce que à une des dernières émissions web média télé un vendredi, c'était à Sorel de mémoire, Richard Martel est venu parler après la deuxième période et lui-même l'a sorti ce que moi je savais mais que je ne pouvais sortir puisque ce n'était que les propriétaires qui étaient au courant parce que en début novembre, Richard Martel avait demandé par courriel aux propriétaires de donner des dates potentielles de glace en mars, avril et mai, qu'il avait un projet sérieux. Les équipes étaient Grenoble et Genève, et deux formations qu'il connaissait très bien de la Ligue Magnus, et il élaborait un scénario à savoir que ces deux équipes seraient venues jouer des matchs contre des formations, c'est pas une équipe étoile, okay, c'est mais des formations. De la Ligue nord-américaine à l'essai. C'était un vœu pieux. Malheureusement, ça allait choper pour quelque raison que ce soit. Ils ont refusé, semble-t-il, du côté de l'Europe pour l'instant. Et c'était en début décembre. Puis par la suite, quelques jours plus tard, il y a eu le député libéral qui a laissé chez Vaux-Saguenay. Et par la suite, on connaît l'histoire du 20 décembre dernier et Richard Martel qui annonçait les couleurs pour lesquelles il les porterait jadis. Et pour le futur, le bleu pour le Parti conservateur dans une élection partielle et également pour dans deux ans une élection officielle du côté du Saguenay. C'est les garanties qu'il a obtenues de l'ancien maire de Victoriaville, qui est un peu maintenant le porte-étendard conservateur au Québec. Gérard Deltel, un ancien journaliste qu'on connaît bien également. Ouais. Donc, c'était un beau souhait de Richard Martel de faire encore avancer la Ligue, comme il l'a fait avec le web média, avec la radio du 98.5 à Montréal tous les vendredis soirs, avec les résultats dans 37 stations à travers le Québec, comme le Junior Major et le Midget 3A, et d'autres qu'on connaît. Mais pour l'instant, ce dossier a échappé. Je sais qu'il avait travaillé sur une possibilité aussi, avec 2-3 coups de téléphone avec la East Coast League, mais déjà, c'est un nom catégorique de ce côté. Donc, mais je pense que la Ligue Magnus, c'est à continuer. Et d'ici 2-3 ans, ça pourrait être un très beau point, parce que plusieurs joueurs reviennent de cette Ligue Magnus d'Europe pour notre Ligue nord-américaine, et notre calibre n'a rien envié à ce calibre de jeu qu'est la Ligue Magnus. Ben moi, je pense qu'à quelque part, c'était une excellente idée. Puis tu mets ça avec des points au classement, qui comptent au classement. Tu sais, c'est arrivé juste avant les fêtes, ouais, dans la Ligue junior majeure du Québec et la Ligue junior majeure de l'Ontario, ouais, entre les 67 d'Ottawa et les Olympiques de Gatineau, où ça a compté au classement des deux ligues canadiennes. Moi, je pense que ça pourrait être bénéfique. Et je pense que le meilleur moment pour eux est, comme nous, en début de saison. Parce que, à la suite de février, en ce moment, ils en sont à un dernier mois de calendrier officiel. Les séries commencent là-bas. Et en mars, c'est terminé. Donc, il faudrait pas attendre d'avoir des matchs en concours en avril ou mai contre eux, parce qu'ils auraient déjà terminé. Les joueurs seraient repartis un peu partout sur les continents d'où ils viennent. Mais je pense qu'en octobre, en début de saison, je pense que ça serait faisable pour les deux circuits. Et je sais que Richard Martel, pour avoir parlé avec lui il y a quelques jours à peine, pendant une bonne heure, est tout feu, tout flamme, n'a rien perdu de son enthousiasme, est toujours très dédié à la Ligue nord-américaine. Il sait le vœu pieux des propriétaires qui est Danny d'avoir deux nouvelles concessions l'an prochain. Il y travaille très, très fort. Il sait qu'il y a une rencontre de Ligue biannuel le 22 janvier. On lit entre les lignes, nous, les journalistes, et on n'est pas fous. On sait qu'il y a trois équipes en ce moment qui laissent aller le commissaire, savent ce qu'il est capable de faire, savent qu'il s'occupe bien des dossiers. Il y en a trois autres qui sont un petit peu plus sur la gâchette en disant, ben, il peut-tu faire les deux jobs? Il va aller plus d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'on n'aura pas les deux nouvelles concessions? Est-ce qu'il va s'occuper encore à temps plein de nous? Moi, je pense que tout va être décortiqué et démêlé le 22. Mais, et c'est pas nouveau dans la Ligue américaine, ce que je vais te dire depuis 22 ans, que c'est très difficile que t'aies 13 équipes, que t'aies 10 équipes, que t'aies 8 formations, que t'en aies 6 en ce moment, de faire parité, tout le monde tire un petit peu du côté de sa couverte. Et pour l'instant, ben, il doit, Richard Martel, naviguer avec tout ça. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il a fait depuis son entrée en poste avec le début de la saison en octobre. Et comme il me le mentionnait au téléphone, ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas eu de commanditaire associé à la Ligue majeure. Fromagerie Boivin en est un. Les patates Cavendish en sont un second. Et Automobile Payet en est un troisième. En plus de ceux qu'on connaît déjà, M&M et également, bien sûr, TELUS. Donc, il y a de ce travail à faire encore. Bon, il y a peut-être eu un petit black eye, comme on pourrait dire, avec l'histoire des hommes forts. Certains ont laissé Hamel et Lacroix, deux des plus connus, y sont revenus. Et on voit que les gens veulent ça. Il y a un très beau papier en ce moment avec notre ami Alex Drouin, qui est un journaliste avec embauche.com. Et Alex Drouin a fait une entrevue avec plusieurs joueurs qui se disent en faveur du retour de ces combats dans la Ligue nord-américaine, mais des combats bien ciblés dans le cœur d'un match et non pas à 1 seconde, à 4 secondes, pas 5 secondes en début de rencontre. Ouais. Et on voit de plus en plus les assistances lors de ces matchs augmenter. OK, OK. Mais là, je veux revenir sur l'histoire de la Ligue Magnus. Qu'est-ce qui a chopé? Ben, je pense que eux se disent les coûts de voyage pour l'instant. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'on n'a pas les moyens financiers d'avoir les commanditaires pour les héberger. Bon, c'est beau, là, demain matin, dire j'ai les contacts, il les a, Richard Martel, avec les dirigeants de Genève, avec les dirigeants de quelques autres villes, que ce soit Berne, par exemple, en Suisse, où il a déjà travaillé également, ou Davos. Mais là, il faut aller t'asseoir avec, par exemple, Air Transat ou Air Canada. C'est combien de personnes qui vont venir? C'est une quarantaine minimum. C'est combien de jours? Il faut aller voir une bonne chaîne hôtelière. Il faut trouver un gars qui possède une compagnie d'autobus qui peut nous en passer un pendant un périple d'à peu près une semaine pour au moins discuter, parce qu'ils vont le demander, pas un, mais au minimum 3 matchs ici dans le Québec. Ça peut être la même chose à l'inverse que nous allions en septembre pour notre camp d'entraînement. Une équipe, par exemple, jouait 3 matchs là-bas, ben ça déploie l'avion, ça déploie l'autobus, ça déploie l'hôtel également, les repas. Donc, c'est beaucoup de sous et il faut les commanditaires pour le faire. C'est beau les connaissances, il les a, Richard Martel. Mais maintenant, il faut trouver les commanditaires associés à ça. Dis-moi, une tournée durant la période des fêtes, est-ce que je rêve en couleur? Écoute, cette année, il y a un bémol. Le 23 décembre dernier, exemple, Sorel doit jouer à Jonquière. Okay. Habituellement, 5 heures, c'est le trajet. Ça a pris 7h40. Ben oui, je sais. Je comprends. Okay. J'ai suivi ton périple, Gilles. Et beaucoup de monde l'ont suivi. Mon épouse, et il se demandait qu'est-ce qui se passait avec cette idiotie de mettre ce match-là et d'autres. Celui qui était le plus court, Trois-Rivières-Saint-Georges, a même commencé 40 minutes en retard. Donc, on s'est dit, et plusieurs joueurs ont pesté en bon québécois en se disant, on n'aurait pas dû aller là. On n'aurait pas dû jouer ce match. Bon, Marc Boivin avait un bon point. C'est que lui, la veille, jouait à Trois-Rivières. 14 de ses joueurs viennent de la région de Montréal. Son autobus est allé chercher les joueurs à Trois-Rivières et ils sont allés coucher à Jonquière. Ont pu profiter de l'hôtel vendredi soir dans la nuit, ont pu profiter d'une pratique de glace le samedi matin comme toute bonne équipe de la Ligue Magnus ou de la Ligue junior majeure du Québec ou de la Ligue nationale ou américaine. Ils ont pu coucher samedi et l'autobus les a ramenés dimanche. Et c'est pourquoi il a dit à la Ligue, mon équipe est toute là, l'adversaire n'a qu'à venir. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, je pense que le 20 décembre, on aurait dû arrêter, ou le 22, exemple, le vendredi soir, jouer une série, là, 3 matchs, arrêter le 22 et recommencer avec le week-end du 5 janvier. Parce que les 3 matchs qu'on aurait remis, eh bien, ce sont des matchs, exemple, en novembre, Sorel, 3 fins de semaine, n'a joué qu'un match, et dans le week-end du 12 janvier, ne va jouer qu'un match. On aurait pu les reprendre là. Donc, moi, je pense que jouer des matchs pendant le temps des fêtes, il y a des équipes d'années qui vont s'opposer. Ton idée est bonne. Je repense à quelque part, là, la tournée des Russes dans le temps. Tu sais, qui est la super série, je ne sais pas si tu te rappelles, là. Oui. Les Russes contre des équipes d'Angleterre, c'est un peu ça que je voudrais recréer, en tout cas. Ton idée peut être bonne dans un point. Oublie les équipes. Ouais. Il faudrait, par exemple, qu'on puisse dire, on s'entend avec Style Média en direct, ou on s'entend avec un diffuseur qui peut être soit TVA Sport ou RDS, en s'occupant nous-mêmes d'amener ce qu'on dit par la suite, le produit final, pour les moindres coûts. Parce qu'une production, demain matin, de faire un match à RDS ou à TVA, ça va vous coûter entre 35 et 50 000 $. Donc, on n'a pas ces moyens-là. Mais amener la cassette, comme on dit, après, avec Média en direct, qui fait tout le peaufinage, le match a été joué, le représenter, oui, ça peut faire une belle jambe et ça peut donner un beau lustre à la Ligue nord-américaine. Où j'enligne ton point de vue, c'est que tu te fais une équipe d'étoiles de ta Ligue nord-américaine et tu présentes un match, exemple, contre une équipe de la Ligue Magnus ou une équipe d'étoiles de la Ligue Magnus entre Noël et le jour de l'an, et tu joues un match à Saguenay, tu en joues un également à Sorel, et tu peux en jouer un troisième, style Saint-Georges. Parce que ce sont 3 amphithéâtres qui ont l'éclairage requis pour la Ligue nord-américaine, pour la télévision, et aussi d'autres circuits télévisuels. Et ce sont des endroits où on peut attirer plus de 2000 spectateurs, et là, ça peut être rentable pour faire venir une équipe semblable. Et là, les joueurs... Je pense à Marc-André Tourigny, je pense par exemple à un James Desmarais, je pense à un Cédric Desjardins. C'est sûr qu'ils vont dire oui à l'appel du commissaire pour jouer pendant le temps des fêtes ce match historique ou ces matchs historiques-là contre une formation venant de la Ligue Magnus, parce que là, c'est spécial. Et là, ça te donne raison. Non, mais ça coûte à peu près 30 000 $. Michel Laplante, le président des capitales de Québec, me l'avait dit. Ça coûte ça pour produire un match à RDS. Ça avait coûté ça Cuba. Je ne sais pas si tu te rappelles le Cuba contre les étoiles, contre les capitales oui, de Québec. Je sais que dans le temps, c'était 35 000 la Ligue nord-américaine avec Michel Godet. Et c'était la série de matchs qu'il avait produite. Et c'était 35 000 $ avec RDS. Et moi, je peux te revenir en 2001-2002 avec la crosse professionnelle au Centre Bell avec l'équipe des de Montréal et l'Express. Et c'était 50 000 $ que ça nous coûtait chaque match produit à RDS en direct du Centre Bell. On avait 8 dans la saison et 4 sur la route. 12 matchs. Calcule-le, mon ami, c'est un beau 600 000 $. Gilles, tu peux me voir la pause. Il me reste des pubs dans des fêtes et on revient dans quelques instants. Je vais vous parler de la reprise d'activité. Donc, vous écoutez notre Gilles Péloquin sur les ondes de danazosport.com. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mississigny, au numéro de téléphone 88-276-9383. Laval et tout le personnel du restaurant Oma Chinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Oma Chinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. Direction du club de golf de Chibougamau-Chaparral. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année. Il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation de Beau. On est retour avec Monsieur Ligue nord-américaine, Gilles Péloquin. Gilles, d'abord, si on parlait un peu de qu'est-ce qui s'en vient, c'est la reprise des fêtes. Il y a eu des matchs, je pense, la semaine passée. Mais là, ça va décoller plus de cette semaine. Oui, puis c'est le fun parce qu'on vient de jouer 13 week-ends. Il en reste à peu près 10 d'ici la fin de la saison. Chaque équipe a une moyenne de 21 matchs de jouer. Deux en ont 23, Thetford et Trois-Rivières. On sait que le calendrier cette année est de 36 matchs. Oui, toutes les équipes vont faire les séries. Mais il y a une belle lutte parce que en ce moment, à l'aube vendredi, de reprendre les activités pour 2018, il n'y a, on le rappelle, au classement général que 9 points qui séparent les 6 clubs. Et pour la tête, Jonquière, échauffé par Sorel, un point derrière, et Thetford à 3 points. Et tout près, maintenant, ça mène Rivière-du-Loup, Saint-Georges et Trois-Rivières. Ce qui est intéressant, Danny, c'est que dans les deux derniers week-ends de Noël et du jour de l'an, les équipes de bas classement ont battu pour deux semaines de suite les équipes de haut classement. Et ça a resserré le classement général de la Ligue. Et là, ça mène vendredi Thetford à Sorel, Rivière-du-Loup à Jonquière, Trois-Rivières à Saint-Georges et le lendemain, c'est Saint-Georges à Trois-Rivières et Sorel à Jonquière. Donc, ça peut corser davantage. Et bien malin, qui peut prédire qu'il va finir sixième ou même premier parce que les chances sont à peu près égales. Il y a une parité qu'on n'a jamais eue dans cette ligue et elle est là en ce moment. Effectivement. Gilles, donc, on s'en parle quoi? Il y a deux noms qui ressortent ouais. du temps des fêtes, là, et du mois de décembre, et avec ce début de cette deuxième moitié de saison. Si on parle offensive, c'est Marc-André Tourigny, le plus petit joueur, mais le meilleur marqueur de la Ligue, joueur du mois, pas encore joueur de la semaine, et le gardien Adam Russo, qui est vraiment la grande vedette défensive de la Ligue nord-américaine. Et si on avait voté pour un entraîneur, on s'attendait à Benoît Graton, on pourrait s'attendre aussi à Bobby Barry, mais je pense que personne ne s'attendait à Christian Deschênes et aux Éperviers de Sorel d'être à un point de la tête, eux qui étaient vus par les pseudo-experts en début de saison, troisième ou quatrième. Donc, c'est peut-être les trois fleurons qu'on peut donner là à cette pause qui nous amène à 2018. Deschênes comme entraîneur de l'année, Russo comme joueur défensif en ce moment de l'année, et Marc-André Tourigny des 3L de Rivière-du-Loup, le plus petit joueur, mais comme je le dis si bien, le petit schtroumpf, il a un cœur gros comme un aréna. Effectivement. Gilles, on s'en parle mardi prochain, on va ramener la chronique mardi prochain, la semaine prochaine. Oui, au lendemain des Rois. Monsieur Ligue nord-américaine de hockey, Gilles Péloquin.